Chapitre 9e, le mystère redouble. Grâce au télégraphe électrique, la justice ne marche plus d'un pied boiteux. Ses ordres sont transmis en quelques heures d'une extrémité de la France à l'autre. Ils peuvent, en quelques jours, traverser l'immensité des mers. Le lendemain, vers 7h du matin, un huissier envoyé par le parquet de Grenoble signifiait au duc de Valembreuse un mandat de comparution. La chose, du reste, se passa le plus courtoisement du monde. Un huissier remit le mandat au duc et lui en demanda un reçu avec toutes les marques de la plus respectueuse déférence. Monsieur de Valembreuse, malgré l'émotion qu'il ressentait, sut parfaitement se contenir. Il serra le mandat dans son portefeuille en disant « La justice ordonne, j'obéirai ». L'officier ministériel s'inclina. « Vous n'avez plus rien à me dire ?» lui demanda le duc de Valembreuse. « Rien, si ce n'est que dans le cas peu probable où monsieur le duc ne tiendrait pas compte des ordres du parquet, il s'exposerait à une chose fort désagréable. Et quelle est cette chose? Monsieur le duc me reverrait de nouveau à Uriage, mais cette fois avec un mandat d'amener, et derrière moi il y aurait des gendarmes. Merci de la vie, mon cher monsieur, répondit le duc de Valembreuse en souriant, mais la force publique n'aura pas à intervenir, je vous le garantis. Le duc, après le départ de l'huissier, fut en proie à une grande prostration. Son visage, habituellement pâle, se revêtit de teintes livides. Longtemps il demeura comme replié sur lui-même. Un bruit venu du dehors l'arracha enfin à ses préoccupations. On frappait à sa porte. « Qui est là ? » fit-il en tressaillant. « C'est moi, Amaury de Kerlusset, » dit une voix. Le duc se leva, alla ouvrir, et le vicomte entra. Il avait échangé son élégant costume de la veille contre une blouse en toile grise, de gros souliers, un large panama, une gourde en sautoir et un bâton ferré. « Qui vous amène d'aussi grand matin ?» lui demanda M. de Valembreuse, d'un ton d'un homme qu'on dérange. « Avez-vous donc oublié notre projet d'ascension au lac Robert ?» répondit Amaury. « Tiens, c'est ma foi vraie, je n'y songeais plus. Allons, mon cher duc, dépêchez-vous, si vous voulez que nous arrivions à temps là-haut pour déjeuner. Mais c'est que j'ai quelques lettres urgentes à écrire. Écrivez vos lettres, j'attendrai. Ce sera peut-être un peu long. J'en ai bien pour une heure. Une heure, soit. Dans une heure, je reviendrai vous prendre. » Vous me direz si oui ou non je retournerai seul au Faubouloir. » Lorsque le vicomte de Kerlusset fut parti, le duc de Valembreuse prit une plume, du papier, et d'une main fiévreuse, il se mit à écrire. De temps à autre, il s'arrêtait comme épouvanté de ce qu'il écrivait. Puis, faisant sur lui-même un énergique effort, il continua à écrire. Une heure s'écoula de la sorte. Il posa un instant sa plume sur la table. En ce moment reparut Amaury. « L'adresse à mettre sur une lettre, et c'est tout, » dit le duc. L'adresse mise, il serra la lettre dans sa poche. « Maintenant, je suis à vous, mon cher vicomte. » Ils descendirent dans la cour de l'hôtel où stationnaient les mulets et leurs guides. À quelques pas, Maxou et Martineau semblaient attendre. « Quels sont ces messieurs et que font-ils là ?» demanda le duc de Valembreuse à Amaury. « L'un est un de mes camarades de classe, attaché aujourd'hui à la rédaction d'un grand journal de Paris, » répondit Monsieur de Kerlusset. « Et l'autre est un jeune avocat. Il serait enchanté de nous accompagner avec votre agrément, bien entendu, dans notre petite excursion. » Martineau et Maxou, qui s'étaient rapprochés, s'inclinèrent. Monsieur de Valembreuse en fit autant, bien que cette proposition lui sourit médiocrement. Toutefois, un homme courtois qu'il était, il ne laissa rien voir de la contrariété qu'il éprouvait. Les présentations étaient faites, on se mit en route. Le chemin qui conduit du Riage au lac Robert est des plus pittoresques. À mesure que l'on avance vers la région des neiges éternelles, la végétation devient plus sombre. Au bois de châtaigniers et de hêtres succèdent des massifs noirâtres de sapins. On monte toujours, et les sapins deviennent plus rares. Ils cessent enfin pour faire place aux rhododendrons, aux rosiers sans épines, aux saxifrages et aux gentianes, arbustes et plantes qui n'arrivent à leur développement complet que dans les basses températures. Sur les pentes imbritées des prairies verdoyantes apparaît une flore des plus variées et des plus riches, au milieu de laquelle miroitent les corolles mouchetées du lys martagon. Une excursion au lac Robert est tout un voyage. Il ne dure pas moins de 6 heures. Mais aussi comme on est dédommagé, lorsqu'on parvient à l'espèce de cirque servant de lit à ce lac en miniature, qui, d'après le dire des habitants de la contrée, fut autrefois un cratère. Ses eaux, sans cesse alimentées par la fonte des neiges, ont une couleur étrange. Elles sont d'un bleu indigo, comme le ciel si pur dans ces régions élevées et qu'elles reflètent. La vie, qui ne s'arrête nulle part, est puissante et active dans ces eaux, dont jamais la main des hommes n'est parvenue à sonder la profondeur. Le lac Robert est en effet renommé pour ses belles truites saumonées. D'autre part, et à quelques centaines de pas de là, le chasseur peut amplement satisfaire ses goûts cynégétiques. Sur les rochers qui avoisinent le lac pousse un arbuste dont les graines attirent le magnifique faisan noir des Alpes. Enfin, dans les prairies apparaissent parfois les chamois, une belle chasse qui n'est pas sans danger. Il était environ 2 heures lorsque le duc et ses compagnons atteignirent le lac Robert. Les guides, qui portaient des provisions, disposèrent rapidement un rustique couvert près d'une source glacée où l'on pouvait puiser à volonté. Le déjeuner servi, chacun prit place autour. Une franche gaieté préside d'ordinaire à ces sortes de repas improvisés en plein air. Il n'en fut pas ainsi du déjeuner des 4 voyageurs. Vainement, Martineau épuisa le chapelet de ses racontars les plus excentriques. Vainement, Maxou mit en œuvre toutes les ressources de son esprit incisif. Rien ne put dissiper l'atmosphère de tristesse qui pesait sur ce repas. Le duc de Vallombreuse, le visage sombre, se renfermait dans le silence le plus absolu. Le déjeuner terminé, on se sépara pour se livrer chacun à son plaisir de prédilection. Maxou, qui crayonnait passablement, s'arma de son album afin de prendre quelques croquis de ce site sauvage. Martineau, en sa qualité de pêcheur endurci, ajusta une ligne dans le dessein de harponner les truites du lac. Le vicomte de Carlucet, muni de son herbier, se mit en quête de plantes rares. Le duc prit sa cabine et s'éloigna dans la direction des rochers afin d'y tirer des faisans. Les 2 guides, qui étaient épuisés de fatigue, s'endormirent sur l'herbe. Il avait été convenu que le retour aurait lieu à 5 heures. À 5 heures, Amaury, Martineau et Maxou étaient présents. Monsieur de Vallombreuse manquait à l'appel. Une demi-heure s'écoula. Les guides, qui étaient montés sur les hauteurs pour tâcher de découvrir le retardataire, redescendirent. Ils n'avaient point aperçu le duc, et aux notes aiguës de leur cornet, aucune réponse n'avait été faite. Une vague inquiétude commença à gagner les 3 voyageurs. Tout à coup, M. de Kerlusset se souvint que, pendant qu'il herborisait sur l'un des versants de la montagne, un coup de feu était parti d'un bois de sapin dans une direction opposée à celle où il se trouvait. Sur sa proposition, la petite troupe se mit en marche vers l'endroit indiqué. Le chemin était rude, et plus d'une fois, les 3 jeunes gens et leur guide furent obligés de s'accrocher aux buis qu'ils rencontraient çà et là pour gravir le revers de la montagne. Lorsqu'ils eurent atteint le sommet, un spectacle vraiment féerique s'offrit à leur regard. Au-dessous des crêtes alpestres s'étendait la magnifique vallée du Grésivaudan, et l'Isère éclairée par les derniers rayons du soleil se déroulait comme un serpent de feu en détours sinueux. Mais nul parmi eux ne songeait ce moment à contempler ces splendeurs. Une seule pensée les absorbait. Qu'était devenu le duc de Vallombreuse? S'était-il égaré? Était-il tombé dans l'un des abîmes dont est couverte cette région convulsée? Le vicomte de Kerlusset indiqua de la main le bois de sapin d'où devait être partie la détonation qu'il avait entendue. 5 minutes plus tard, on pénétrait dans ce bois. Le soleil ne l'éclairait plus et l'obscurité était presque complète. Les guides prirent les devants. L'un d'eux tout à coup poussa un cri. Ses camarades accoururent, puis Martineau, Maxou et le vicomte. Sur la mousse humide était étendu, immobile, un homme dont le front était troué par une balle. C'était le duc de Vallombreuse. « Mort ? » s'écria Maury. « Mort ? » répétèrent les autres. Martineau mit la main sur le cœur du duc. Le cœur ne battait plus. « Allons, voilà mon mystère devenu plus impénétrable que jamais, » se dit maître Maxou avec un profond découragement. « C'est la mort qu'il faut interroger à présent. La mort répondra-t-elle ? » Les 2 guides improvisèrent un brancard avec des branches d'arbres, placées au-dessus le cadavre de M. de Vallombreuse, et l'on prit le chemin du retour. Lorsque le cortège arriva en vue du riage, la soirée était fort avancée. Les derniers baigneurs étaient rentrés, et les hôtels fermaient leurs portes. On transporta le corps du duc dans la chambre qu'il occupait, et le vicomte de Kerlusset annonça qu'il ferait la veillée mortuaire. « Si vous le permettez, mon pauvre ami, » lui dit Martineau, « je serai de moitié dans l'accomplissement de ce pénible devoir. Je veillerai près du duc avec vous. » Amaury lui serra la main en signe de remerciement et de consentement. « À demain, » dit le reporter à Maxou en s'installant près du vicomte, au chevet du lit sur lequel le duc de Vallombreuse dormait du sommeil éternel.